France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Et bonjour à tous. 1m 57, les yeux verts, une vraie boule de nerfs. Elle était Cathy Selden, la jeune ingénue de Chantons sous la pluie, son premier grand film. Elle n'avait que 18 ans. Elle l'avait dit d'ailleurs, le personnage de Cathy Selden dans Chantons sous la pluie me ressemblait beaucoup. Je n'avais pas peur, j'ai foncé. Debbie Reynolds a disparu le 28 décembre dernier. Alors que La La Land triomphe au cinéma et que Ryan Gosling racontait qu'avant le tournage, chaque jour, il regardait avec Emma Stone Chantons sous la pluie. D'ailleurs, tout à l'heure, nous vous offrirons la bande originale de La La Land. Ce matin, nous passons une heure avec Debbie Reynolds et nous revisitons sa carrière. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart, with a singable happy feeling, a wonderful way to start. To face the world every day, with a dee-dee-dum-dee-die, a little melody that is making the worrying world go by. When you walk down the street, with a happy-go-lucky beat, you'll find a lot in what I repeat. Shine up your shoes, keep a melody in your heart, what a wonderful way to start and refrain. You'll find you won't even care if it's pouring rain. Shine on your shoes and a melody in your heart. That's the only way to start out the morning. Why don't you give up singing the blues? Shine up your shoes, sing the song that's in your heart. Well, that's the only way. Talk means chimp, I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them and very soon they went upon their abba-dabba honeymoon. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba said the chimpy to the monkey. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba said the monkey to the chimp. All night long they chatter away, all day long they were happy and gay, swinging and singing in the honky-tonky way. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba means monk, I love you. Abba-dabba-dabba in monkey talk means chimp, I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them and very soon they went upon their abba-dabba honeymoon. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dab La chanson qui fait émerger la carrière de Debbie Reynolds. Elle a à peine 17 ans et dans le film Two Weeks in Love à la Metro-Goldwyn-Mayer en 1950, elle vole la vedette à la star Jane Powell en interprétant sa sœur et en chantant cette reprise d'un standard Abba Dabba Honeymoon sur une balançoire avant d'effectuer quelques pas de danse. Et puis auparavant, Debbie Reynolds qui reprenait une chanson rendue célèbre par Fred Astaire, Shine on Your Shoes, extrait de son album solo Fine and Dandy. Debbie Reynolds est née au Texas en 1932. Elle a 6 ans lorsque sa famille déménage à Los Angeles et s'installe à Burbank. C'est tout près des studios d'Hollywood. Elle remporte à 16 ans le trophée de Miss Burbank et voilà que les chasseurs de tête des studios l'appellent à la Metro-Goldwyn-Mayer. À la stupéfaction de ses parents, elle est payée par un studio qui lui fournit des cours de chant, de danse et de comédie. Debbie Reynolds entre dans le cheptel de stars et prend des cours tous les jours avec Anne Miller, Cy Harris, Zaza Gabor, Leslie Caron, Zizi Jeanmaire, Elizabeth Taylor. Elle fait du ballet, du tap, de la moderne danse. Elle apprend à chanter, à marcher, à bouger, à lever les bras, à avoir un port de tête correct et aussi à connaître son bon angle pour la caméra. Et puis un après-midi de printemps, elle a à peine 18 ans, Louis Mayer, le patron de la MGM, la convoque dans son bureau. Elle vient de tourner seulement 2 films. Debbie, lui dit-il, vous êtes une petite fille qui avait beaucoup de talent. Alors j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. Vous allez faire un film avec Gene Kelly et Donald O'Connor. Debbie Reynolds ne réalise pas tout de suite qu'elle va devoir danser avec eux. Et donc danser aussi bien qu'eux. Ça sera l'expérience la plus dure de sa vie. 3 mois de répétition intensive pour la danse de Chantons sous la pluie, 3 professeurs, 8 heures par jour, et Fred Astaire qui la voit en coulisses un jour pleurer, la console, il lui dit, vous savez, apprendre à danser, ça ne va pas vous faire mourir. Alors quelle chanson vous diffusez ce matin de Chantons sous la pluie? Pourquoi pas une séquence inédite? Un magnifique solo que devait interpréter Debbie Reynolds et qu'elle a enregistré et tourné. C'était juste après que Gene Kelly lui ait fait visiter les studios et ait déclaré sa flamme. Une chanson intitulée, et donc coupée au montage, You Are My Lucky Star. Now, look at what you've just done to me. Now, it's too late to pretend. I tried to play smart, but right from the start, I hoped this was how it would end. I told myself it was ridiculous, a silly adolescent amour. I argued the cost, I argued and lost, and now of one thing I'm sure, you are my lucky star. I saw you from afar, 2 lovely eyes at me, they were gleaming. I was starstruck. You're all my lucky charms. I'm lucky in your arms. You've opened heaven's portal here on earth for this poor mortal. You are my lucky. I wonder how many girls would consider it lucky to be held in the strong, manly arms of Donald Lockwood, the glamorous star of the silver screen. A year ago, it had scared me half to death. That was when I was a member of your fan club. Fan? Me? I was the president. Why, you know, I waited outside the Brown Derby for 2 hours one night just to get a glimpse of you. But it was worth it. You look so dazzling in your green knickers, yellow sweater, and orange beret. I just swooned. You see, I was starstruck, and now that I've confessed, I'll tell you all the rest. You're my Fairbanks, my Marino, Rodler Rock, and Valentino. You are my lucky star. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning. Good morning. Sunbeams will smile through. Good morning. Good morning to you. And you and you and you. Good morning. Good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to Might you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Buenos dias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Good morning. Good morning to you. Vous avez reconnu Good Morning, Donald O'Connor, Gene Kelly et Debbie Reynolds dans Chantons sous la pluie, la séquence qui a le plus angoissé Debbie Reynolds lors du tournage, et en particulier le moment où il fallait grimper et marcher, racontait-elle, sur des canapés et des fauteuils. Les répétitions et les prises ont été innombrables. Debbie Reynolds est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique. Chantons sous la pluie est l'apogée, il faut bien le dire, de sa carrière au cinéma. Le fait est qu'elle ne fera pas toujours les bons choix de films ou de réalisateurs, ou n'en aura pas la possibilité. Et quand elle tombera sur un bon réalisateur comme Blake Edwards, celui-ci ne sera pas forcément au meilleur de sa forme. Mais peu importe, ce qui importe, c'est que dans sa carrière, à la Metro-Goldwyn-Mayer, elle aura toujours le rôle de l'ingénue, joyeuse et pleine de vie. Dans les années 50, dans la foulée du succès de Chantons sous la pluie, la Metro-Goldwyn-Mayer va la faire tourner à tour de bras. Par exemple, dans Casanova Junior, aux côtés de Bob Fosse, elle reprend avec Bobby Van cette chanson de Chantons sous la pluie que cette fois elle n'interprète pas en robe rose en sortant d'un gâteau. Yes, Daddy. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn I still go on and dream of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too, all I do the whole day through is dream of you. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too, all I do all the I whole do day through is dream of you. Well, maybe even 6'3". I know what he'll look like. He will be so storybook-like, and he'll fill a cozy nook like I would want him to. But much to my regret, we have never met as yet. I know what he'll look like. He will babble on so brook-like, and for him I'll try to cook like mother taught me to. But much to my regret, my heart is just an apple cart that's waiting to be upset. For we have never met as yet. Yes, I'll know him when I see him, and I'll fall in no time flat. And I'm sure that when it happens, it'll happen just like that. I know what she'll be like, sort of warm and vanity-like, and she'll fall in love with me like I would want her to. But much to my regret, we have never met as yet. I know what she'll sigh like, just the kind of sigh that I like. She won't cry like and won't lie like other girls I knew. But much to my regret, my heart is just an apple cart that's waiting to be upset. For we have never met. Why don't you get your brakes relined? Lady driver. Yes, I'll know her when I see her, and she won't act so high hat. And I'm sure that when it happens, it'll happen, but not with that. La publicité du film le proclamait, c'était les deux gosses de Chantons sous la pluie dans I Love Melvin en 1953, Debbie Reynolds aux côtés de Donald O'Connor. Et cette chanson composée par Joseph Miro, We Have Never Met As Yet. Dans ce film, Donald O'Connor jouait un photographe qui promet contre l'avis de son patron de mettre la photo de celle qu'il aime, Debbie Reynolds, en couverture de son journal. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Dans la foulée de Chantons sous la pluie, la métro Gowin Meyer fait tourner sans cesse Debbie Reynolds. En 1955, par exemple, elle tourne Hit the Deck. C'est l'adaptation d'une comédie musicale des années 20 de Vincent Humans, avec à ses côtés Anne Miller, Jen Powell et côté garçon Vic Damone et Tony Martin. Il y a des décors, des costumes luxueux, des chorégraphies magnifiques signées Hermès Pan, le fidèle partenaire de Fred Astaire, et une histoire qui se déroule en partie dans le monde du théâtre. L'histoire d'un marin qui retrouve une vedette de musical qui lui en veut de l'avoir laissé sans nouvelles depuis 6 ans. Le film offre notamment un beau trio de filles assises sur un banc qui se lamentent sur les hommes. Debbie Reynolds est en magnifique robe verte, Jen Powell en robe noire et Anne Miller, sa robe est rouge. Why, oh why? Where is he? Wake up, girls, and stay awake. Don't you know it's all a fake? Men are nature's big mistake. But they're very necessary. Why should I be frantic when I'm in this romantic mood? Guys are so contrary, and most of them are very rude. They take your heart and break your heart. They're also undependable, and yet they're not expendable. But why, oh why? Much less a buck. Are my finances in a mess? Yes, but I never felt better, so I couldn't care less. I don't buy polo ponies or fly a private plane. I never order beer, much less champagne. But do I need a lot of dough? No, 'cause I never felt better, so I couldn't feel low, not low. No, no! Never have a worry, I never have a care about about what I should buy or what to wear. And do I find my future bright, right? 'Cause I never felt better and I'm doing all right. When summer's at its hottest, the rain must keep me cool, 'cause I don't own a creek, much less a pool. What do I do when warm as toast? Boast that I never felt better, so I simply won't roast. When winter's at its coldest, I shiver and I shrink. I haven't got a coat, much less a mink. But does that mean I'm losing hope? Nope, since I never felt better. Tell me, why should I mope? Why mope? No soap! Won't cry! Not I. The days I go out shopping, I buy each thing I see. I charge them, then I feel I got them free. So where will I receive my mail? Jail! But I never felt better, so I'm cruising full sail. The thing most people love to do is worry. They dearly love to worry and complain. So let me check my list and see if I have missed a possible source of misery and pain. A possible source of misery and pain. How's your appetite? Tremendous. How's your energy? Stupendous. Are you strong? So strong I have to watch my step. How your eyes? Bright as a penny. And your sleep? I don't need any, 'cause I'm always on the ball and full of pep. How's your heart? It must be ticking, 'cause I feel alive and kicking. How's your brain? Well, it's insane, but kind of quick. How's your love life? I got plenty. How's your vision? 20/20, must confess that I'm depressingly unsick. If I'm to cross the ocean, I better learn to float. I can't afford a raft, much less a boat. But would I love to see Paris? Whee! Still, I never felt better, so Pomona suits me. And Heidelberg would thrill me. I'd buy a dress of chintz and go right out and land a student prince. But will I ever cross the Rhine? Nine! Still, I never felt better, so the beach will do fine. No Rhine. That's fine. I won't see Paris. I haven't got a worry. I haven't got a care about what I should buy or what to wear. Got no diamond solitaire, so what? You know what? I consider diamonds kind of square. Besides, I never felt better. I never felt better. No, I never felt better, and I'm walking. I Never Felt Better, extrait de Athéna, un film en 1954 avec Vic Damone, Jen Powell, de magnifiques chansons de Ralph Blaine et Hugh Martin et le formidable orchestre de la Metro-Goldwyn-Mayer et aussi un casus belli pour Debbie Reynolds, ingénue encore une fois à l'écran dans ce film, mais forte tête dans la vie, qui détestait le scénario de ce film, parodie de deux sœurs végétariennes, sportives et amateurs d'hommes athlétiques. Dans les années 50, en tout cas, Debbie Reynolds, devenue starlette, reçoit par centaines les lettres d'admirateurs. Et côté sentimental, le studio est ravi de l'exhiber aux côtés de l'acteur vedette Eddie Fisher. C'est un véritable produit marketing pour faire rêver les jeunes filles que promet les studios, que promeut le studio à travers l'image de ce couple. Mais l'image se fracassera à la réalité lorsque le jeune homme quitte Debbie Reynolds pour la jeune veuve Elizabeth Taylor. Ça sera le premier de trois divorces dans la vie de Debbie Reynolds. La Metro-Goldwyn-Mayer avait pourtant soigné l'image du couple modèle jusqu'à produire un film où les deux amants, Eddie Fisher, Debbie Reynolds, roucoulaient. Thank you. listen to my lullaby in blue. Pretty baby, sweet and precious, pretty baby. How I love my pretty baby, honest to goodness I do. See here, Sandman's a-comin' and he'll be here mighty, mighty soon. And if you don't cry, he'll be dropping by with the great big lollipop moon. Dream, how I dream, love my pretty dream, baby. Be an angel, dream. Sweet and precious, pretty dream, baby. Be a darling, I love my pretty baby. Honest to goodness, I do. Honest to goodness, I do. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue. How I love my pretty baby. Sweet and precious, pretty baby. How I love my pretty baby. Honest to goodness I do. See here, Sandman's a-comin' and he'll be here mighty, mighty soon. And if you don't cry, he'll be droppin' by with the great big lollipop moon. Dream, how I dream, love my pretty dream, baby. Be an angel, dream. Sweet and dream, precious, pretty dream, baby. Be a darling, I how I love my pretty baby. Honest to goodness, I do. Honest to goodness, I do. Charms, I'd sing like a violin. I were in his arms. Wish I knew if he knew what I'm dreaming of. La 42e rue de France Musique célèbre Debbie Reynolds, disparue à Noël dernier, avec à l'instant un autre film romantique qui devait démontrer ses talents de pure actrice. C'était Tammy and the Bachelor en 1957. Elle incarnait l'héroïne Tammy, une jeune ingénue qui vit avec son grand-père et tombe sous le charme d'un aviateur qu'elle avait secouru. C'est un film non musical, si ce n'est cette chanson du générique composée par Jay Livingston et Ray Evans. Mais Debbie Reynolds ne va pas conserver toujours cette voix sucrée. Dans les années 60, elle commence à incarner des jeunes femmes qui ont de la force et de la volonté. Tout à l'heure, nous l'entendrons dans le rôle d'Adélaïde, vous savez, la femme de Guys and Dolls, malmenée par son petit ami truand. Mais tout de suite, la voici, héroïne d'un western aux côtés de John Wayne, Gregory Peck. C'est dans La Conquête de l'Ouest, en 1962. Debbie Reynolds est Lily, une danseuse de cabaret qui hérite d'une mine d'or de la part d'un admirateur et qui écarte tous ceux qui la draguent pour mettre le grappin sur ce magot. Come on along, everybody come along, while that moon am shining bright. Come on along and raise your voice and song, we gonna raise a ruckus tonight. Tain't no time to sit and brood, raise a ruckus tonight. It's time to strike a lively mood, raise a ruckus tonight. Go and get that old banjo, raise a ruckus tonight. Just pat your foot and tap your toe, raise a ruckus tonight. Do you hear me? Come on along, little children, come along, while that moon am shining bright. Come along now, tune up that string and let that banjo ring. We gonna get a ruckus tonight. Sing it out now! Come on along, little children, come along, while the moon am shining bright. Don't even let go of that swing. Unmarried female, basically insecure, due to some long frustration, may react with psychosomatic symptoms difficult to endure, affecting the upper respiratory tract. In other words, just from waiting around for that plain little band of gold, a poison can develop a cold. You can spray her wherever you figure the streptococci like. You can give her a shot for whatever she's got, but it just won't work. If she's tired of getting the fish eye from the hotel clerk, a poison can develop a cold. The female single, just in the legal sense, shows a neurotic tendency. See note, note, chronic organic syndromes, toxic or hypertense, involving the eye, the ear, the nose, and throat. In other words, just from worrying whether the wedding is on or off, a python can develop a cough. You can feed her all day with the vitamin A and the promo fizz, but the medicine never gets anywhere near where the trouble is. If she's getting a kind of a name for herself and the name ain't his, a poison can develop a cough. And furthermore, just from stalling and stalling and stalling the wedding trip, can develop a grip. When they get on the train for Niagara, she can hear church bells chime. The compartment is air-conditioned and the mood sublime. Then they get off at Saratoga for the 40th time. A poison can develop a grip, a grip, a post-nasal drip with the wheezes and the sneezes and a sinus that's really a pip from a lack of community property and a feeling she's getting too old. A poison can develop a bad, bad Debbie Reynolds et sa voix méconnaissable dans le rôle d'une loseuse. C'était dans Guys and Dolls de Frank Loesser, un enregistrement en studio en 1964 de cette comédie musicale. Elle incarnait donc Adélaïde, la petite amie que maltraite le truand joueur. Faut dire que Debbie Reynolds avec Shirley MacLaine était l'une des rares femmes à s'être produite avec le Rat Pack de Frank Sinatra à Las Vegas. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. En 1964, Debbie Reynolds est enfin nommée aux Oscars. C'est pour son rôle de survivante dans The Unsinkable Molly Brown, en français l'insubmersible Molly Brown, tiré de l'histoire vraie d'un garçon manqué bien décidé à se marier avec un homme fortuné et qui survivra à tout, même au naufrage du Titanic. C'est un film de Charles Waters avec Meredith Wilson comme compositeur et une chanson phare, Je ne suis pas encore mort, I ain't down yet, qui pourrait presque à cette époque devenir l'hymne de Debbie Reynolds avec sa vie sentimentale et ses trois divorces en vrac. On va y écouter cette chanson parce que, à Noël, le titre de la nécrologie de Debbie Reynolds dans le New York Times s'intitulait « L'insubmersible Debbie Reynolds ». Up means hope, and that's just what I've got hope for, someplace better, someplace I don't know, that's cleaner and shinier and hell. If I gotta eat catfish heads all my life, can't I have them off a plate once? In a red silk dress. When there's girl enough on me to wear one. And then, someday, with all my might and all my main, I'm gonna learn to read and write. I'm gonna see what there is to see. So if you go from nowhere on the road to somewhere and you meet anyone, you know it's me. I'm gonna move from place to place and find a house with a golden stair. And if that house is red and has a big brass bed. I'm living there. Well, now, who do you think you are? I could be anybody, even a queen if I wanted to be. Do, do, do, do. We've just been wrestling with the queen, if you please. Who'd recognize her with all that dirt on her knees? And with her mop head and all that toes. And that contrived jug, she calls her nose. A queen can never be queen without any throne. So here's the fanciest throne that you'll ever own. Here is your scepter, here is your crown. Now won't you please sit down? Dans les années 70, la carrière au cinéma de Debbie Reynolds s'érode. Elle rebondit sur scène à Las Vegas et puis en 1973, elle fait ses débuts à Broadway. Elle est vedette de Irène, la reprise d'une comédie musicale des années 20 autour d'une Irlandaise qui travaille dur dans sa boutique de musique et tombe amoureuse d'un jeune héritier chez qui elle est allée accorder un piano. Debbie Reynolds, pour ce rôle, est nommée parmi les meilleures actrices aux Tony Awards. La voici très suave, qui interprète Alice Blue Gone. I once had a gown, it was almost new. Ah, the daintiest thing, it was sweet Alice Blue, with little forget-me-nots placed here and there. And when I had it on, I walked on the air, and it wore, till it went, and it wasn't no more. When I first wandered down into town, I was both proud and shy as I felt every eye, and in every shop window I'd primp passing by. Then in manner of fashion I'd frown, and the world seemed to smile all around, till it wilted, I wore it, I'll always adore it, my sweet little Alice Blue Gown. Thank you. Debbie Reynolds a disparu le 28 décembre dernier. C'était un jour après sa fille, avec qui elle entretenait des rapports vraiment étroits, Carrie Fisher. Les deux femmes habitaient dans des maisons mitoyennes. Debbie Reynolds l'avait fait débuter sa fille sur les planches à Broadway, justement dans Irène, cette comédie musicale, en 1973. Et depuis, Carrie Fisher n'avait plus jamais chanté, mais vous la connaissez toutes, vous la connaissiez toutes, puisque c'était devenue une nouvelle icône grâce à son rôle de princesse Leia dans La Guerre des Étoiles en 1977. L'an dernier, un documentaire de HBO intitulé Bright Lights, montré au Festival de Cannes, dressait le portrait croisé de la mère et de sa fille. Et Debbie Reynolds et Carrie Fisher avaient aussi été les invités d'un fameux talk show américain d'Oprah Winfrey. Assises côte à côte dans un divan, elles se complétaient, s'interpellaient, et à la fin de l'émission, s'étaient dirigées vers un piano pour une sorte de retour aux sources, en musique. Alors l'enregistrement est de mauvaise qualité, mais le moment émouvant, Carrie Fisher, Debbie Reynolds parle à sa fille, lui rappelle qu'elle ne voulait pas chanter, qu'elle ne voulait plus chanter, mais a réussi à la faire engager à Broadway, à ses côtés dans Irène. Okay. You remember when you were just a little girl, you wouldn't ever perform, sing. You'd always shied away, and I always said, I loved you to sing because you have a great voice. But you wouldn't do it. And then we went to New York, and I did a play called Irene, and there was a song I wanted you to sing called You Made Me Love You. I didn't want to do it. I did. I didn't want to do it. You made me want you. All the time you knew it, I guess you always knew it. You made me happy sometimes, always. You made me glad. But there were times, dear, I made you feel so bad. It's true. But then there was a song you picked out that I thought about it for 30 years. I stopped singing for 30. I finally decided to sing. When you did Happy Days. Are here again. The skies above are clear again. So let's sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together. About it now. Happy times, happy nights, happy days are here again. Debbie Reynolds en duo avec sa fille Carrie Fisher. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, nous vous avons mis quelques vidéos qui retracent la carrière de Debbie Reynolds et vous retrouverez également la programmation musicale de cette émission. C'est aussi sur cette page que vous pouvez vous inscrire pour recevoir et gagner la bande originale de film la plus demandée du moment. La La Land, le film fait actuellement un tabac en salle, trône en tête du box-office. Eh bien, je dispose de 5 vinyles de cette bande originale. Pour les recevoir, il vous suffit de nous écrire en cliquant sur l'onglet « Nous écrire » sur la page de 42e rue, sans oublier bien sûr de mentionner l'adresse à laquelle nous pourrons vous l'envoyer, ce vinyle. Pour une fois, on vous laisse un peu plus de temps pour nous écrire. Vous avez jusqu'à demain lundi, minuit. Nous informerons les gagnants par mail. Pour le plaisir, un nouvel extrait de La La Land, un duo entre Ryan Gosling et Emma Stone. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. One thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen. green of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I've had tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Et dans l'actualité des comédies musicales, on vous conseille à Paris du Théâtre Vivant, une création, Le Cabaret Blanche de Christos Mitropoulos et Léo Guillaume. C'est au Théâtre 14 jusqu'à la fin février, qui une pièce de théâtre musicale qui plonge en première, en pleine Première Guerre mondiale, avec parmi les chansons, notamment cette rareté du Livre de la Jungle. Rappelez-vous, c'était évidemment composé par les frères Sherman. We're your friends. We're your friends to the bitter end. The bitter end. When you're alone. When you're alone. Who comes around? Who comes around? To pluck you up. To pluck you up. When you are down. When you are down. Outside looking in, who's there to open the door? That's what friends are for. Who's always eager to extend a friendly claw? That's what friends are for. And when you're lost in dire need, who's at your side at lightning speed? We're friends with every creature coming down the pike. In fact, we've never met an animal we didn't like. Didn't like. So you can see we're friends. Friends indeed. We'll keep you safe in the jungle forevermore. That's what friends are for. Le Cabaret Blanche avec cette chanson interprétée évidemment en live, c'est à découvrir au Théâtre 14 à Paris jusqu'au 14 février. Martine Mony, Marion Guillemet, Romain Couturier, Benoît Latil, Thomas Bizot, Antoine Giraud, Fabien Flora, Laurent Vallière, on vous souhaite un très bon dimanche. Rideau.